Ouverture 2. Au resto U. Page 17. Activité 1. Écoutez et observez l'illustration. Repérez sur le dessin le groupe de personnages qui correspond à chaque dialogue.